Et maintenant, deux extraits du sermon sur la mort. Premièrement, tout nous appelle à la mort. Qu'est-ce donc ma substance, ô grand Dieu? J'entre dans la vie, pour sortir bientôt. Je viens me montrer comme les autres. Après, il faudra disparaître. Tout nous appelle à la mort. La nature, presque envieuse du bien qu'elle nous a fait, nous déclare souvent et nous fait signifier qu'elle ne peut pas nous laisser longtemps ce peu de matière qu'elle nous prête, qui ne doit pas demeurer dans les mêmes mains et qui doit être éternellement en circulation. Elle en a besoin pour d'autres formes, elle la redemande pour d'autres ouvrages. Cette recrue continuelle du genre humain, je veux dire les enfants qui naissent, à mesure qu'ils croissent et qu'ils s'avancent, semble nous pousser de l'épaule et nous dire « Retirez-vous, c'est maintenant notre tour. » Ainsi, comme nous en voyons passer d'autres devant nous, d'autres nous verrons passer, qui doivent à leurs successeurs le même spectacle. Ô Dieu, encore une fois, qu'est-ce que de nous? Si je jette la vue devant moi, quel espace infini où je ne suis pas? Si je la retourne, quelle suite effroyable où je ne suis plus, et que j'occupe peu de place dans cet abîme immense du temps? Je ne suis rien. Un si petit intervalle n'est pas capable de me distinguer du néant. On ne m'a envoyé que pour faire nombre. Encore, n'avait-on que faire de moi, et la pièce n'en aurait pas été moins jouée quand je serais demeuré derrière le théâtre. Et si nous voulons discuter les choses dans une considération plus subtile, ce n'est pas toute l'étendue de notre vie qui nous distingue du néant. Et vous savez, chrétiens, qu'il n'y a jamais qu'un moment qui nous en sépare. Maintenant, nous en tenons un. Maintenant, il périt. Et avec lui, nous péririons tous, si, promptement et sans perte de temps, nous en saisissions un autre semblable, jusqu'à ce que sans fin, il en viendra un, auquel nous pourrons arriver, quelque effort que nous fassions pour nous y étendre, et alors, nous tomberons tout à coup. Manque de soutien.